Warriors, la partie commence. Warriors, la partie commence tout de suite. Warriors, la partie est commencée. Warriors, la partie commence. Au visage caché dans une puce cassage, le sang bouche qu'à échasser l'image de filmer clandestine en guise de camouflage. Je m'obstine, comme mon message destine ma rage à tous les opprimés, dédie mes rimes à tous les opprimés. Souvent j'ai primé la forme au fond, mais nous avons trop attendu. Rien à foutre d'être pendu, à une foule du sang ça tchadie. Si nos pensées sont défendues outre nos textes, nos voix et notre prétendue force, j'aimerais que ce soit notre esprit qui reste. Loin de nos caisses, mais de nous les héros de la résistance en de bonnes dreadlocks, c'est vous la zéro. Scotch autour du bras zéro pour organiser la lucha. Je m'habitue à l'obscurité en vue du putcha. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Guerrier ne manque pas de cran et jamais trop d'arrêt. Au cas où ça chauffe sur le pavé, on a gavé l'histoire de taré. Cache pas ta cauchemar ambiance corbide. Pas de super héros pour valer la risque de cette attaque. C'est garde là, c'était raqueter les extés, les tracks. Les pommades face masque aux yeux, les villes, les carcasses de vite, c'est sans tasse vite. Là, autour de nous tout, mec, dégoût, c'est la vie. Autour du granit, on gravite, les touristes admirent à la va-vite. Côte, visite, ils hésitent. De peur de comprendre le navite avec amertume. Dire que la vie est dure, reste coutume sur le bitume. La rame et le nez craquent, porteurs lave comme une enclume. Sur les points de contact, tête des points de suture. Mais qui sera sûr combien survivent dessus de la mer au niveau zéro. Y'a pas de super héros à l'horizon, faut se faire une raison. L'espoir s'arrêfie, avoir Babylone terrifié. Ça se vérifie chaque jour, de chaque cours, liage court. C'est le jour pour une chasse à court. Les pales partent, les doux claquent, mat. Qui sont les cibles encore des blacks. Enfin c'est climat, la sécurité de l'île est lente. On parle de soldats, de guerriers, de sectes ou de gangs. De cette improvisée où le dialogue du sourd fait parler de la violence. On se demande à qui s'ennuie. Yeah, sur le macadam toujours les mêmes qui dame qui fuit. Guerriers de la nuit, la chasse à tout. Oh lé lé, oh la la, gars, il faut y aller, lé. Je suis toujours là, et cela tu le sais. Je viens ici te menacer. Donc t'es dit qui je suis aujourd'hui. Demain matin, après midi, après demain. Guerillon, voici le wicked, grâce à la grâce, grâce à la wii, le guerillon. Le Zaka avec Zaka, le président de base pour l'Africa. Kukuka, Kukuka, c'est avec un sujet, production, le projet de te dégager. Ton courbé t'avance de fois dans ta vie. La nuit porte conseil, chou, au live in direct, je le prouve d'un groove approuvé. Je vais mouver une jeunesse urbaine toujours plus éprouvée. Le but de ça d'un mec comme Skizzy, qui retranscrit comme elle lui vient. C'est putain de mille et une vérité même. Je sors mon schlass, chasse, cache, pars à la chasse de toutes mes pétasses qui s'entassent. Pendant que la police me pourchasse, faites place quand je déboule un warrior dans ta face. Yo, amigo, yes, yes, yo. Pousse bien au maximum les niveaux de ta solo. Mon rap est un boulet de canon qui shoot un monde de béton. Le baseball fume, il souhaite les soldats existent de son bâton. Qui bat toute sa science au centre d'une politique monétaire complètement décadent. Sur la planche, j'attends à la royauté, mais dans leur fonte anale, mon discours bien plus concret. Je suis le guerrier de la nuit, représente ce qui dorme la journée, puis sort la nuit après minuit. Si tu me vois tchatcher tout seul dans la rue, n'aie pas peur. C'est tout simplement que je travaille mon filet, qu'il est l'heure. Je bouge sur le boulevard, le côté sombre, obscur. Les gens changent de trottoir, de peur que je les torture. Les tritures, je suis un dur à cuire. Et la police est mat, oui, la police est mat. Et quand la police me match, je m'en tape. Remarque que j'ai un cible ouf qui t'apprends à l'œil. Trois feuilles dans la bouche, ouf, louche la touffe, puis bouffe, t'attends pas jusqu'à ce que tu touches. Je suis seul contre tout ça. Un guerrier. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la guerrier de la guerrier de la nuit. Le guerrier de la nuit. Le soldat nocturne. Le soir, je sors de ma turne avec mon lexique. Mes burnas, il a m'emmêlé dans mon corps. Les fantômes, les combattants morts. Pas de temps mort, je suis possédé par les résurrections. Ne m'exorcise pas avant l'insurrection, la l'érection. La partie commence, s'y veille déjà dans l'ambiance. Laisse-moi entendre les cris, les cordes vocales qui se déchirent. Les sanglots et les rires. Quand l'anarchie défigure à nos Campagne le vampire. Ouvrez l'œil, Warriors, en regagnant votre base de départ. Entendez-vous, mes petits? Oh, ouvrez l'œil. Adios.